Section 8 De l'homme de fer par Paul Féval, père. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johan. Chapitre 15. La course. Dans l'arène, voici ce qui se passait. Les chevaliers de Chauzet avaient gagné la partie orientale du champ clos pendant que le choc avait lieu. Les chevaliers bretons se trouvèrent en face d'eux quand ils voulurent s'élancer au secours de leur duc. Jeannin prit en marche sa hache d'armes et chargea le premier. Il passa sur deux cadavres. Les autres combattirent. Quand ils parvinrent à passer, Jeannin avait de l'avance. On le voyait galoper sur la grève normande et chacun pouvait croire à cause des lois de la perspective qu'il gagnait du terrain sur l'homme de fer. L'idée vint à Dunois et à Jean de Rieux de se faire un otage de la personne du roi, mais devant Louis XI, la garde écossaise était comme une muraille d'acier. Dunois et Jean Rieux franchirent les premiers l'enceinte. Tous les Bretons s'élancèrent sur leurs traces, laissant dans le champ clos une demi-douzaine de corps morts. Derrière eux, la foule déborda dans les sables marneux coupés de flaques d'eau, et ce fut un spectacle étrange de voir la cohue tout à coup éparpillée sur l'immense étendue des grèves, roulée comme un flot vers le Mont-Saint-Michel. Le flux venait du côté nord, la mer mangeait la grande marge des sables, le vent qui s'était levé à l'heure de la marée enveloppait d'un tourbillon chaque groupe de coureurs. À tout instant, Jeannin et le comte Otto disparaissaient comme en un nuage, puis on les voyait reparaître, gardant leur distance, qui peu à peu diminuait. Le bataillon des chevaliers de Bretagne venait ensuite, compact et séparé de Jeannin, par 500 ou 600 pas. Puis, c'était un large intervalle avant d'arriver à la tête de la foule. La foule elle-même se précipitait follement, ivre de son effort et de ses cris, allant comme toute cohue pour voir et pour crier. Des hommes d'armes de France la tranchaient au galop de leurs chevaux. Ceux-là couraient pour soutenir les chevaliers de Chauzet qui galopaient en suivant une légère courbe afin d'être en aide au besoin à l'homme de fer, leur maître. C'était une confusion terrible, pleine d'invectives, de plaintes et de clameurs. Du haut de son estrade et tournant le dos à la reine complètement vide, le roi Louis XI regardait tout cela. Quelques Français étaient autour de lui. On ne disait mot. Le roi, calme et presque gai, appuyait sa main sur l'épaule de son compère, Olivier Le Dain. Les autres estrades s'étaient vidées comme par enchantement. Dames et gentilshommes suivaient le flot. Il ne restait pas une âme sur le galet où charrettes et chevaux étaient abandonnés à la garde de Dieu. Les bruits moururent, les cris de trahison s'éteignirent. À mesure que la cohue s'éloignait, le fracas sourd et lointain de la mer montante grandissait. Bientôt la scène apparut au roi et à ses compagnons sous l'aspect d'un serpent énorme, déroulant ses anneaux dans la plaine. Au milieu des grèves, en effet, la marche ne peut pas être directe. 1000 obstacles se présentent qu'il faut tourner. Le comte Otto, la tête du serpent, faisait de larges circuits. Jeannin, qui connaissait chaque pied carré des tangues, espérait toujours que le comte se tromperait ou s'engagerait à faux, mais son espérance était incessamment trompée. Jeannin était forcé de le suivre pas à pas. Il n'eut point dirigé la course avec plus de sûreté que le comte Otto lui-même. Au lieu précis où le comte et Jeannin avaient passé, l'escadron des Bretons passait à son tour, puis les chevaliers de Chauzet, puis les Français, puis la foule essoufflée. Le soleil ardent d'août éclairait pour le roi ce ruban animé, allongé sans cesse par les traînards, et qui déroulait sur le fond brillant des grèves sa ligne interminable. Le comte Otto et Jeannin semblaient se toucher lorsqu'ils se montraient de face, mais dès qu'une mare les forçait à changer de direction et à démasquer leur profil, on pouvait juger la distance qui restait entre eux. Jeannin gagnait, mais si peu. La première parole du roi fut celle-ci. « Mon très cher et bien-aimé cousin François doit être bien à la gêne sur le cou de ce cheval. » Ce disant, ses lèvres minces et droites avaient un sourire bénin. Au bout de plusieurs minutes, il ajouta « Ce comte Otto est un fier soldat. »« Voyez, sire, voyez !» s'écria Olivier Le Dain, « quelque chose de brillant là-bas, en avant du comte. » Le roi pâlit. « Saint-Michel nous soit en aide, » murmura-t-il. « Le comte Otto doit voir la mer monter aussi bien que nous. » C'était la mer qui montait, en effet, dans un de ces 1000 cours d'eau qui sillonnent l'Élise. « Voyez, sire, voyez !» dit encore maître Olivier. « La grève devient noire. Là-bas, sur la droite, on dirait une autre foule. » Le roi tira de son sein l'image d'or de l'archange et la baisa. Les pèlerins qui n'ont point voulu venir jusqu'ici pour assister à ma passe d'armes sont sortis de leur tente, répliqua-t-il. Le spectacle va les chercher, ils regardent. Dieu merci, le comte Otto doit les voir aussi bien que nous. En ce moment, l'homme de fer changea brusquement la direction de sa course. Au bout de quelques secondes, Jeannin fit de même, puis les chevaliers, puis la foule. Le serpent tout entier ondula. Sa tête sembla remonter vers sa queue, et l'on eût dit que le comte Otto, abandonnant son dessein de gagner le Mont-Saint-Michel, se dirigeait maintenant vers la terre ferme. Il était si loin désormais que son cheval et lui semblaient au roi un point sombre sur la grève. Le roi dit « Le comte Otto est mieux qu'un fier soldat. C'est un rusé joueur. » Il avait lui-même suggéré au duc François l'idée de ce déguisement pour le séparer de ses fidèles. Si François, mon frère et mon cousin, eût gardé en tête le cimier ducal et qu'il fût resté entouré de sa noblesse, il eût fallu pour l'enlever bataille rangée. Mais ce Jeannin aussi est un soldat redoutable. Il gagne, il gagne. « Il gagne !» répéta Olivier le Dain. Le comte Otto, reprit le roi, serait homme, le cas échéant, à se faire un bouclier de François, mon frère et cousin. Je lui ai recommandé fort expressément de ne lui point ôter la vie. Le Dain regarda son maître, qui remettait sous le revers de son manteau la sainte image de l'archange. Entre le champ clos et la foule, la mer s'étendit lentement comme un miroir. Le roi dit encore « Fais enlever le velours des estrades, Olivier mon ami. » On ne voit plus guère ces gens qui sont là-bas. Je vais me rendre au mont pour avoir des nouvelles. » Louis XI monta à cheval et suivit la ligne des galets, entouré de sa garde écossaise. On arrachait en grande hâte le velours des estrades. La mer glissait sur les sables, huileuse et calme, à un quart de lieue tout au plus de la reine. Le roi marcha longtemps sans parler, puis il toucha du doigt le bras de Maître le Dain. « Les choses étant au pis, dit-il à voix basse, ce comte Otto serait tué raide par les chevaliers de Bretagne. « Vous supposez que Jeannin le joindrait ? » fit le barbier. « Le cheval du comte Otto porte deux hommes. Mettons que le comte soit tué, les choses restent en l'état. Je n'ai rien risqué. » « Le duc de Bretagne était à la passe d'armes sur la foi de votre majesté, » objecta le Dain. « Après tout, » fit Louis XI, répondant à sa propre pensée bien plus qu'aux paroles de maître Olivier, « ce comte Otto n'est qu'un païen détestable. » J'attacherai son corps à une potence, ce sera justice, et mon cousin François verra bien que le mécréant avait agi malgré moi. » Ici, l'escorte de Louis XI rencontra une petite troupe, composée d'une vieille suivante et d'un vieil écuyer, montée sur vieux chevaux. Il y avait en outre deux vieux chiens et un vieux faucon. La petite troupe fit halte, le vieil écuyer mit pied à terre précipitamment et donna son genou à la vieille dame qui laissa choir son faucon dans son trouble. La vieille dame descendit ainsi que sa suivante, les trois chevaux restèrent sur leurs jambes roides, le col allongé, les oreilles battantes. La vieille dame fit un pas en avant, lança un coup d'œil à la suivante, un autre à l'écuyer, tous les deux attentifs, et formula trois révérences tellement dessinées que le roi fit sentir le mort à son cheval. « Sire, dit la vieille dame, après la troisième révérence, et pendant que sa suite rendait hommage à son tour, je crois devoir vous fournir l'honneur de dignité première, quoique je n'approuve en aucune façon votre conduite envers monseigneur le duc. Ceux qui sont ici témoigneront des réserves faites en cette occurrence par moi, dame Joseph, douairière de la croix Mauduit, qui ne laisse point, sire, de prier Dieu qu'il ait votre majesté en sa garde. Dieu vous bénisse, bonne dame, dit le roi, qui passa. Dame Joseph se remit en selle. « Vous auriez pu, maître Bibrel, enseigna-t-elle non sans un reste d'émotion, tendre votre genou plus près de la selle. Mon pied a failli glisser. Et je vous demande ainsi qu'à bête à qui je ferai mes observations tout à l'heure, quelle mine aurait eu une dame de mon rang, tombant sur le dos ou dans toute autre posture déshonnête devant le roi ? Je veux bien que Louis de France soit un roi malvenu et de méchante figure, c'est nonobstant un roi. » Je pense lui avoir parlé la bouche ouverte. Plaise au ciel que la fermeté par moi ainsi déployée soit utile à François de Bretagne. Vous ayant adressé ce reproche, maître Bibrel, je passe à bête et lui dis « Mamie, on s'instruit à tout âge. Donnez, je vous prie, une chiquenaud d'importance seconde ou, si mieux vous aimez, une pichenette à mon faucon pour avoir perdu le point. Je suis gravement mécontente de cet animal aujourd'hui. Les deux chiens et les trois chevaux ont fait au contraire leur devoir, comme il faut. Bête, mamie, Quant à vous, j'ignore ce qu'ont pu penser les gardes écossais, mais votre révérence péchait en plus d'un point. Ce n'est pas ainsi, ma fille, que l'on honore la maison de sa dame. Ne manquez point de venir demain à mon lever, je vous apprendrai en quoi votre hommage fut tristement défectueux. Je suis néanmoins contente d'avoir trouvé l'occasion de saluer le roi de France, et j'espère qu'il se souviendra de moi. Les gens du pays comptent environ une lieue et demie de la grève Saint-Sulpice au mont Saint-Michel. Mais si l'on a égard au détour, la carrière fournie par le comte Otto Beringhem était beaucoup plus considérable. Avant de couvrir le plan général des grèves, la mer monte dans les cours d'eau et détrempe les lises ou sables mouvants, qui deviennent impraticables même pour un cheval au galop. Il faut s'orienter, louvoyer en quelque sorte, chercher des passages comme fait le pilote engagé dans les brisants. Au moment où le roi quittait son estrade, le comte était tout au plus à un quart de lieue de la porte du couvent, en ligne droite, mais le flux poussait sa pointe entre lui et le mont. Il fallait tourner le flux, et la question était de savoir désormais qui l'emportait en vitesse du flux ou du comte Otto. En effet, quelques minutes encore, et la mer allait fermer toute communication entre la terre ferme et le mont. Cette ligne sombre que le roi avait aperçue naguère du haut de son observatoire, c'était une autre foule, une foule aussi nombreuse et aussi compacte que celle qui serpentait dans les sables. C'étaient les pèlerins sortis de leur ville de toile, les riverains attirés par l'étrange spectacle de la course. C'était tout ce qui n'avait pas quitté ses foyers pour se porter à la passe d'armes. En arrivant au front de cette masse immobile et qui pouvait être ennemie, le comte Otto, tenant toujours de la main gauche le duc renversé sur sa selle, dégaina de la main droite, la masse vivante recula et livra passage. Chapitre XVI. Frère Tourier. Jeannin criait « Arrêtez le païen, chrétien, donnez-moi votre aide, au nom de Dieu !» Mais l'épée du comte flamboyait au soleil. La cohue grondait et ne bougeait pas. Le duc de Bretagne, étouffé dans son armure, se plaignait sourdement. Beaucoup pensaient que l'homme de fer emportait un cadavre. À mesure que la course avançait, la distance diminuait réellement entre le comte et Jeannin. Jeannin était parfaitement monté, il avait le cheval du duc de Bretagne. La distance augmentait au contraire entre le bon écuyer et les chevaliers bretons qui couraient maintenant à plus de 1000 pas en arrière. En gardant son avantage, Jeannin pouvait encore espérer d'atteindre l'homme de fer. C'était l'espérance de la foule qui flairait un combat épique entre ces deux superbes soldats. Le cheval du comte, malgré sa vigueur extraordinaire, jetait une fumée épaisse par les naseaux. Ses flancs épuisés battaient. L'écume qui tombait de sa bouche était sanglante. Le comte l'excitait de la voix et ménageait encore les éperons. Le cheval de Jeannin, plus fin, plus vif et moins chargé, avait été plus surmené au début de la course. Ses efforts étaient maintenant convulsifs. Il allait par bonds. Ses flancs déchirés ne répondaient plus à l'éperon. Jeannin sentait cela. Il criait « Arrête, traître et lâche ! Arrête, païen maudit !» Le comte Otto se retournait et souriait. Il avait levé sa visière pour donner l'air frais à son front qui ruisselait de sueur. Son beau visage, pâle et tranquille, semblait railler les efforts surhumains du bon écuyer. La mer était sur les grèves. La route parcourue par la foule se couvrait d'eau et le flot taquin poursuivait les traîneurs. En ce moment même où le comte et Jeannin arrivaient devant le mont, la mer arrachait les échafaudages du champ clos et portait à la rive des gradins désemparés. Les murailles du monastère regorgeaient de spectateurs comme les grèves et le rivage. On ne comprenait rien à cette course désespérée et chacun cherchait à deviner le mot de l'énigme. Nous pouvons affirmer qu'à cette heure, il n'y avait pas un moine au réfectoire ni à l'église. Le comte Otto avait manqué d'une minute la passe qui regarde Ardevon. Il fit le tour du mont pour gagner celle qui fait face à Avranches et qui se couvre la dernière. Quand il l'atteignit, ce n'était plus qu'une bande étroite de sable détrempé. Pendant qu'il la franchissait, la mer passa entre les jambes de son cheval. Le cheval de Jeannin, qui suivait à une longueur de lance, eut de l'eau jusqu'au milieu des jarrets. Puis la mer étendit son niveau sur la chaussée. Le gros des chevaliers bretons, arrivant à son tour, se trouva en face d'un fleuve salé plus large que la Loire. Il fallut reculer. La partie n'était plus qu'entre l'homme de fer et Jeannin. Jeannin dégaina et donna du plat de son épée à tour de bras dans les oreilles de son cheval qui bondit furieusement. Un autre bond semblable l'aurait mis aux côtés de l'homme de fer. « En avant, bon écuyer !» criaient les Bretons de l'autre côté du canal. Ils reculaient pas à pas devant la mer victorieuse. « En avant, en avant ! Jeannin, brave homme, tu le tiens à la montée !» De la grève à la porte du couvent, il y avait en effet une rampe que, de mémoire d'homme, nul cheval n'avait gravie qu'au pas et tiré par la bride. La rampe a été minée depuis et déférait encore le trot du plus vigoureux coursier. Jeannin serrait déjà la poignée de son estoc et se préparait au combat. Le comte Otto enfonça pour la première fois les éperons dans le ventre de son cheval qui attaqua la rampe au galop. Le roc rendit 4 gerbes d'étincelles. « Ouvrez au nom du roi de France !» cria en même temps le comte d'une voix sonore. On vit la lourde porte du monastère tourner lentement et comme à regret sur ses gonds. Le cheval de Jeannin, emporté par son élan, attaqua la rampe à son tour. Contre toute attente, son sabot tint sur le roc vif. Dans un effort suprême, il gagna encore quelques pieds. Jeannin leva son épée. « en avant, bon écuyer !» Pour la seconde fois, l'homme de fer laboura les flancs de son coursier, dont le puissant poitrail rendit une plainte. Son sabot mordit le roc. En retombant, l'épée de Jeannin frappa le vide. La scène avait maintenant pour spectateur le monastère tout entier suspendu au créneau. Les Bretons, les Français, les hommes de Chauzet, la foule qui commençait à border le canal, et les pèlerins dispersés sur la grève. 10 000 poitrines haletaient, oppressées. « Un effort, Jeannin ! En avant ! En avant !» Ainsi parlèrent une dernière fois les chevaliers de Bretagne, impuissants à secourir leur souverain. À leur cri répondit une voix sourde et brisée « Jeannin, sauve-moi et tu seras chevalier !» C'était le duc. Cet archange supplia Jeannin debout sur ses étriers « Prête-moi tes ailes !» La porte béante était à 10 pas. Au moment où Jeannin, qui tenait à pleine main la crinière de son cheval pour se coucher en avant et frapper, ramenait son épée en arrière, le grand cheval du Perche s'engouffra sous la porte avec son double fardeau. « Fermez !» ordonna l'homme de fer. La porte massive roula sur ses gonds en criant. Le cheval de Jeannin vint donner de la tête contre les madriers garnis de fer et tomba mort après avoir reculé de 3 ou 4 longueurs. Un cri, un seul et grand cri s'éleva de l'autre côté de la mer. On voyait Jeannin entre le cadavre du noble animal et la porte close, Jeannin étendu sur la pierre, sanglant, immobile. 1 heure avait passé. La mer était haute, le crépuscule du soir éteignait ses derniers rayons. Au ciel pur, vers l'orient, brillaient déjà quelques étoiles. Le riche paysage avranchin disparaissait déjà dans la nuit. Le mont Saint-Michel, entouré d'eau de tous côtés, dominait l'océan triste, seul mais fier, et semblait répéter à l'onde enflée follement la souveraine parole du Créateur « Tu n'iras pas plus loin ». Tout était calme dans la vieille arche de pierre, les moines psalmodiaient au chœur dans la basilique, préparés pour la cérémonie du lendemain. C'était le lendemain que le roi Louis XI devait placer sa chevalerie nouvelle sous la protection de l'archange. Le roi n'était pas de retour, on ne l'attendait désormais qu'au bas de l'eau. À la place même où la foule immense agitait 2 heures auparavant, le flot passait, profond et silencieux. Il y avait 1 lieue de mer entre la base du mont et le rivage. La porte du couvent s'ouvrit sans bruit. 2 hommes parurent, éclairés à revers par la lampe qui brûlait dans la cellule du frère portier. On aurait pu distinguer du dehors le crâne chauve d'un moine et une tête couverte d'épais cheveux blonds bouclés. La tête chevelue se portait à 1/2 pied au-dessus de la tête du moine. « Finir mes jours dans un des cachots souterrains ?» chuchota la voix, hélas, bien changée du pauvre frère Bruno la Bavette, ou avoir toutes les nuits un démon enragé qui vienne me tirer par les pieds et s'asseoir lourdement sur ma poitrine, voilà mon lot. Je puis choisir. Pour un rien, petit Jeannin, mon cher compagnon, je me jetterai tête première du haut de la merveille, dans la mer haute, comme ce pauvre Richardet de Planquette, qui était 3e sommelier, et qu'on accusa en 57 d'avoir détourné à son profit 13 bouteilles du propre Hippocrase de l'abbé. On ne retrouva point son corps, mais bien les 13 bouteilles en un coin obscur de la cave, et l'abbé lui fit dire des messes de miserere depuis le saint jour de Noël jusqu'à Pâques. Cela me rappelle qu'au temps de ma jeunesse, je vis choir un couvreur du haut de la tour du Bouffet, à Nantes, et que ce malheureux... Mon frère, interrompit Jeannin, vous m'avez promis de m'enseigner un moyen de passer l'eau. Seigneur Dieu, s'écria Bruno, j'ai promis bien autre chose. Il ajouta en comptant sur ses doigts, j'ai promis au confessionnal de ne plus pécher. J'ai promis au seigneur abbé de tenir close loyalement la porte du couvent. J'ai promis au nain maudit, ou, pour parler mieux, à son scélérat de spectre, de t'ouvrir nuitamment la même porte. Et je l'ai fait deux fois pour ton entrée et ta sortie. Va, va, petit Jeannin, mon cher ami. Ce qui m'arrivera, je n'en suis point en peine. Un service à me rendre serait de me passer la pierre au cou, pendant que la mer est haute. Tout ira pour le mieux, mon frère, répliqua Jeannin. Et le duc, monseigneur, vous récompensera généreusement. Où trouverai-je la barque? Là-bas, sous la ville, entre la tour carrée et l'éperon. Ne me diras-tu point, mon fillot, si la passe d'armes fut belle? Et la chaîne qui tient la barque n'a point de cadenas? Une corde et un nœud. Saint patron, jamais je n'avais vu cheval dépasser la tour. Je raconterai cette aventure-là bien longtemps. Mais vivrai-je seulement une semaine? J'ai cru que tu étais mort, là, sur ce roc, mon petit Jeannin. Il y avait de quoi mourir. C'est moi qui te le dis. Le comte d'Anet a crié en entrant, « Ne faites point de mal à celui qui est dehors. C'est le plus brave soldat que j'ai rencontré en ma vie. Qui donc songeait à te faire du mal? Sais-tu ce qui advint à Martin le Gris, du hameau des Figuiers, au-delà de Nantes? Sa jument devint folle pour ce qu'elle avait brouté de la marjolaine, et se jeta un soir contre la poterne du château de Clisson. Martel revenait de la foire, et la foire s'était tenue je ne sais où, là-bas, du côté de Guérande. Il avait un coup de trop sous le bonnet, quoique son cousin Luc, qu'on appelait Lucas du bout de l'Ande, fut trois fois plus ivrogne que lui et quatre aussi. C'est ce Lucas qui disait à la nièce de Pierre Himmel, le maître Charon de Goyon, lequel avait épousé Jeannet d'Ouellec, la propre nièce du curé de Savenay, Perrotte, ma commère. Frère Bruno s'arrêta pour se demander, était-ce elle ou sa sœur qui s'appelait Perrotte? Car elle avait une sœur, deux sœurs même, en comptant la petite boiteuse qui était du second lit. Jeannin avait descendu la rampe, il cherchait la barque, entre la tour carrée et l'éperon. Frère Bruno le suivait de loin en causant. Jeannin avait passé de l'eau fraîche sur ses contusions et changé son armure pesante contre un juste au corps de cuir. Il était dispos et tout prêt à recommencer. « Mon frère, dit-il, voici la barque. Dans deux heures, s'il plaît à Dieu, je serai de retour. »« S'il plaît à Dieu, mon cher ami, tu fais bien de le dire, car la barque n'en peut plus et les courants sont forts. » La petite boiteuse avait de l'esprit comme quatre. Quand elle fut pour se marier, pas si vite, Jeannin, mon ami. Les courants ont changé de place depuis le temps où tu étais coquetier. Laisse-moi te dire. L'écuyer de Madame Reine venait de sauter dans la barque. Il donna son premier coup d'aviron. Je prendrai les courants où ils sont, mon frère, répliqua-t-il. Tenez-vous prêt dans deux heures. Fin de la section 8.